Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, à peindre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais, je vis en paix avec ma guerre. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, à peindre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais, je vis en paix avec ma guerre. Je vis en paix avec ma guerre. En manque de rêve, quand l'espoir m'échappe, cette impression de toucher le fond sans pour autant me débattre, coucher mes cartes. Car le jeu de la vie me lasse, bien loin des remords. C'est mon présent qui me pèse, mon futur qui me lâche. On m'arrache par petits bouts ce que je suis, peut-être que j'aurais voulu être. À me demander si j'aurais vraiment voulu naître. Je veux pas qu'on me plaigne, j'ai mes pensées pour ça, la vie me sourira. C'est surtout jeune, j'ai mes pensées tout ça, là c'est de pleurer mes mots, de laisser couler ma tristesse. Mon avenir déjà dans le mur, projet en perte de vitesse. Je comptais prendre mon élan, arculon en me découpant les ailes. Chute libre, pourtant volontaire et refusant les aides. Pourtant ça va, non, c'est que t'as rien compris. Moi non plus d'ailleurs, et sûrement pire quand je l'écris, encore les mêmes craintes. Même plainte, mais pas d'appel au secours. Qu'est-ce que tu veux? Un sourire peut-être, mais que du vide autour. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, peindre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, peindre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Avec ma guerre. En manque de rêve, lorsque l'orage fait rage, 23 ans je me plains, j'en ai pourtant de pas l'âge. Sud de dérapage, dans chacun de mes virages, je pense que ma mort a des milliers de visages. J'en manque de rêve, en besoin de vidange. Chaque matin je me lève, je sais que j'ai pas une vidange. C'est pas évident d'éviter les coups en serrant les dents. Sur mon trop con face à ce monde, je suis incompétent. En manque de rêve, du matin au soir, c'est pour ça que je me lève tard. Finir des textes noirs, j'ai pas le talent pour écrire des tonnes d'éclats de rire. Je sens mon âme se ternir, mes pensées s'assombrir dans la vague de la vie. Je suis impossible à décrire, j'ai perdu mon jeune sourire. Je suis un auteur en train de pourrir parce que ma clope aura mon cœur et mes poumons. Ce manque de rêve aura le dernier mot de ma passion. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, peintre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, un peintre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Avec ma guerre. En manque de rêve et d'espoir, de sommeil, les nuits de pleine lune, en proie au cauchemar et au sursaut nocturne. Les insomnies se multiplient, même ivre, hypnotisé par les deux points du réveil et de ses chiffres. En manque de rêve sur un parcours passable, l'esprit pas assez reposé pour acheter du sable. Suite de pensées noires, pourtant ma vie paraît impeccable. Je suis à deux doigts de franchir le cap et de péter un câble. En manque de rêve, puisqu'ils me les ont volés. Personne pour m'aider, personne pour être désolé. Mais bon, j'ai tout ce qu'il faut, non? Peut-être que ça suffit pas, vu le manque d'intérêt que la vie me suscite. En manque de rêve, en manque de rêve, mais plein de sombres idées. La balance ne fait qu'osciller, j'ai du mal à me décider de quel côté mon âme penche. Sûrement du mauvais, mais un jour, à défaut de ne plus rêver, il faudra bien que je tranche. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, peindre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, un peintre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Et au fond, je suis qui, moi, pour t'imposer mes idées noires? Comment je me retrouve là, un peintre de peine ma vie qui démarre? J'ai cherché la raison de ce sentiment amer en vain, et désormais je vis en paix avec ma guerre. Avec ma guerre.